يكثر بيننا الكفار ومشركون ويكثر التعامل معهم في بيع والشراء فما حكم ذلك وما حكم أرباح تجارتنا إذا كان بعضنا وبعضها من أموالهم نتيجة نعملها معهم طيب نتيجة تعاملنا معهم هل هي حلال أم حرام كدي il y a beaucoup autour de nous beaucoup de kuffar et de mushrikoun et nous avons beaucoup de rapports avec eux d'échanges dans le négoce le commerce donc quel est le jugement et quel est le jugement des bénéfices que nous tirons dans nos commerces qui sont basés sur hein, le gain pris de leur bien à eux de leur argent est-ce que cela est halal ou est-ce que cela est haram قال التعامل مع الكفار والمشركين والكتابيين وغيرهم اذا كان من التعامل المباح الذي ليس فيه ربا وليس فيه ميسر وليس فيه شيء من المكاسب المحرمه لا باس به فلا باس ان نبيع ونشتري مع الكفار في حدود ما بحته الشريعه الاسلاميه الذي في échange avec les kuffar parmi les gens du livre ou les polythéistes d'autres genres les hindous, les bouddhistes ou autres. Vous voyez ? Tant que cela est dans le commerce qui est permis, qu'il n'y a pas d'usure, d'accord ? Qu'il n'y a pas de choses qui sont liées au jeu de hasard, ou que cela n'est pas lié sur un travail, professions qui sont interdites, alors il n'y a pas de mal. Quand cela est permis, qu'on leur vende des choses, qu'on achète d'eux. Tant que cela reste dans les choses permises par la législation. أما التعامل مع الكفار فيما حرم الله من الربا والمكاسب المحرمة كالقمار والميسر والمكاسب المحرمة فهذا لا يجوز للمسلم أن يتعامل به ولا مع الكفار ولا مع المسلمين وما ينتج عن ذلك من كسب يكون حراما لا يجوز للمسلم أن يأكله أو يستعمله أو ينتفع به كلادي maintenant le fait d'avoir des rapports avec les kuffar des négoces dans ce qui est haram comme on a dit riba ou le fait de travailler dans les postes qui sont interdits ou des choses liées aux jeux interdits comme la loterie et autres, par exemple tu vends de l'alcool, tu vends du porc, tu vends de la maïta, tu vends des choses que l'islam a interdit, alors cela il n'est pas permis avec nous de faire du négoce avec eux. Par exemple, tu n'achètes pas d'alcool du kafir, tu n'achètes pas du porc du kafir, et ni avec le kafir et ni avec le musulman également, c'est pas propre au kafir, c'est propre à tout le monde. On achète, demain un musulman te vend une chose qui est haram, t'as pas à l'acheter de lui. Ou tu lui vends une chose, tu sais qu'il va faire du haram avec, tu lui vends pas. Si tu es sûr qu'il va faire du haram avec, tu lui vends pas. Et le kafir, tu sais pas ce qu'il va faire avec, là-bas c'est permis, tu peux lui vendre. Car après, tout ce qui est lié d'un négoce haram, l'argent sera haram. Par contre, un point important, l'argent des koufars souvent les haram. Des gens se disent, je lui vends une chose, et il me paye avec son argent haram. C'est quoi le jugement? On dit cet argent-là, quand il vient dans ta main, il devient halal. Le Nabi s.a.w. faisait du tijara avec les Yahoud, qui justement contractaient avec le riba. Ils prenaient leur argent, ils mangeaient leur nourriture. Donc lui, son argent est haram dans ses mains à lui, mais toi, quand tu l'as pris, phrase. Parce que l'argent n'est pas haram en lui-même. D'accord? L'argent, par exemple, demain, pareil, t'as là dans ton quartier, c'est un dealer. Toi, t'es une boutique. Il vient, il achète, par exemple, je sais pas moi, il achète des dattes, il achète un coca, il achète ce que tu veux dans le halal. L'argent qu'il te donne, tu peux le prendre. Même si lui, son argent, comme il est, c'est haram, toi, c'est du négoce halal que tu as fait. Quand l'argent vient dans ta main, il devient halal. Il devient halal. D'accord? C'est une chose qui est importante à savoir. Mais l'argent qui est haram, lui, par exemple, toi, tu travailles, je sais pas moi, à la banque, t'as pas le droit de travailler à la banque. À la banque, tu travailles avec le riba. Tu travailles dans un lieu où on vend de l'alcool, on vend du porc, des choses interdites, ou tu travailles, je sais pas moi, dans un travail qui est haram. Je sais pas moi, par exemple, tu es un chanteur. Tu presses du raisin pour faire du vin. Dans le but de faire du vin, je parle. Cet argent-là, son salaire, c'est haram.